Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture, où aujourd'hui je ne vais pas vous emmener dans un roman policier, je ne vais pas non plus vous emmener dans un roman historique, mais nous allons aujourd'hui mener l'enquête sur une énigme qui nous pousse à réfléchir un peu plus sur notre rapport au monde. Et pour ce faire, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Elvis Pastafiglia, auteur de son premier roman, Autiste et fier, mon témoignage pour mieux comprendre. Bonjour Elvis. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie de venir. Dans Caprice de lecture, parce qu'on va aborder avec toi un sujet qui nous paraît à nous les neurotypiques. Un peu nébuleux comme ça, ou peut-être derrière le mot autiste on met peut-être, c'est peut-être une case un peu fourre-tout. Et toi, grâce à ce roman que j'appellerais plutôt un guide, mais ça on en parlera après, tu vas nous permettre un petit peu de mieux comprendre. Alors Elvis, tu es toi-même autiste. Oui. Pourquoi tu as écrit ce livre? Alors quand je dis pourquoi, c'est est-ce que tu avais envie de d'expliquer aux personnes qui ne sont pas victimes. Alors c'est un syndrome, est-ce qu'on parle de syndrome? Alors j'irais dire, alors c'est compliqué, voilà. c'est complexe. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce alors que non, c'est un déjà non, donc, là, déjà ce n'est pas une maladie, je dirais que c'est une différence. Ok, donc justement, est-ce que ta différence t'a poussé à écrire ce livre? Parce que on le verra un peu plus tard hein, dans les questions, que tu as découvert, donc c'est pas ta pathologie, ta différence. Grâce à un de tes enfants. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Qui t'a poussé aussi à réfléchir, toi, sur ton comportement avant. Mais est-ce que tu avais besoin de comprendre, de nous dire, à nous les autres qui ne sommes pas victimes de cette différence, voilà comment il faut être, ou voilà ce que moi je ressens par rapport à vous les autres. Pourquoi ce bouquin, là, alors, maintenant? Déjà, pourquoi tout bêtement, parce que j'en avais déjà envie. Ok. Là, tout bêtement. J'avais besoin de mettre ça sur le papier. J'avais besoin aussi, je pense, moi, de le lire moi-même. C'est-à-dire, ce livre, je l'ai écrit déjà avant tout pour que je puisse, moi, le lire. Ok. Arriver derrière. Et c'est vrai que quand j'ai relu ma petite biographie, parce que je commence par une petite biographie, oui. Et ben, en fait, ça m'a permis surtout de me dire, mais voilà d'où je suis parti. Et où j'en suis arrivé. Ça t'a permis de prendre le recul. De prendre le recul et d'aller mieux, en fait, de me dire, mais oui, en fait, j'ai quand même fait pas mal de chemin, et même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quand même un gros chemin. Oui, mais carrément. Mais en fait, je ne m'en suis pas rendu compte avant de relire tout et de me dire, mais en fait, si, j'ai avancé, vraiment. Parce que, pour la petite histoire, tu sais que t'es différent. Oui. Bah depuis toujours. Tu ne sais pas comment le formuler. C'est ça. Autour de toi, on ne s'en rend pas forcément compte. On voit juste que tu es un élève absolument exceptionnel jusqu'en élémentaire. C'est ça, oui, je dirais. Et arrivé au collège, là, c'est la douche froide. Terminé, effondrement total. Exactement. Et personne ne comprend. Non. Ni moi-même, et puis moi, en fait, j'en ai fini par comprendre, en fait, que c'était moi le problème, en fait, que cette différence était néfaste. Mais c'est dur, parce que tu te fâches avec tes parents, tu rentres en conflit avec eux, donc oui. Même pour eux, en tant que parents, c'est compliqué. Complètement. Et puis, des parents qui aiment leur enfant souffrent de le voir souffrir, et ils ne savent pas quoi faire. Et puis la personne qui va te sauver, c'est celle qui va devenir ta compagne. Complètement, va devenir ma compagne, et qui, je le dis dans mon livre, m'a littéralement sauvé la vie. Oui, elle t'a sauvé la vie. Vraiment. Elle te donne deux enfants. Et c'est sur un de tes enfants où tu te rends compte, il y a des choses quand même qui toi te chagrinent, te parlent, ou t'as un sentiment déjà vécu. C'est en voulant justement, en recherchant sur l'autisme pour aider mon fils, qu'en fait je me suis dit, mais ça me parle beaucoup. Et là, tu décides de passer des tests ou un diagnostic. Diagnostiquer. Voilà, et le temps te donne raison. Parce qu'effectivement, toi aussi, tu as cette différence. Oui, cette différence, voilà. Complètement, oui. Alors, c'est une différence. Alors, ce n'est pas... c'est-à-dire, c'est une différence qui implique quand même beaucoup de soucis et qui est un réel handicap. Puisque, je vois aussi beaucoup disent, autiste, c'est pas juste une différence, en se disant, c'est juste une différence de fonctionnement. Non, c'est une différence de fonctionnement, mais qui... Étant donné qu'on est dans une société qui n'est vraiment pas du tout adaptée à ce fonctionnement, crée un réel handicap. On est dans une société normée, il faut rentrer normée dans des cases. Normée et qui a été fait par et pour des neurotypiques. Du coup, et il faut rentrer dans des cases, on n'est pas dans la case, on n'est pas ça. Bien. Tout à fait. Ceci dit, au-delà de l'autisme, même quand on est neurotypique ou quand on est une personne lambda, si on ne rentre pas dans une case, et on le voit au niveau du travail, au niveau de nos relations, voilà, c'est assez exceptionnel. Donc je me dis que pour une personne aussi atteinte d'autisme, c'est encore pire. Ça peut être mille fois pire. C'est ça. Bah c'est le, en fait, c'est vraiment le pourquoi en fait, de tout ça. Ouais. C'est qu'en fait, il y a aussi un truc qu'on entend souvent, et j'en parle dans mon livre, on est tous un peu autistes. Oui. Non. En fait, être autiste, c'est ressentir 10 000 fois plus, c'est tout est soit tout, soit pas. Tu l'expliques avec l'exemple du pull qui gratte. Oui. Alors quand on est neurotypique, c'est juste une petite gêne et puis au bout d'un moment, ça nous agace, on enlève. Alors que quand on est neuro-atypique, ça peut prendre des proportions pas possibles ou rentrer dans une fureur dingue. Ou des sons qui, par exemple, pour un neurotypique, va provoquer des gênes. Ouais. Qui, pour certains autistes, vont complètement être une souffrance réelle, une douleur physique, en fait, qui vient justement de ça. Et c'est vrai que c'est de réelles difficultés je veux pas non plus édulcorer l'autisme en disant, c'est juste une différence. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a tendance, derrière ce mot... On en fait un petit peu une valise. On met là-dedans, autiste, allez hop, on y va. Ça a été le problème en fait de la psychiatrie en France, qui pendant très longtemps a utilisé l'autisme comme un peu un diagnostic poubelle. Oui. C'est-à-dire tout ce qu'on ne savait pas trop diagnostiquer, on le rangeait dans l'autisme. Dans la valise, le mot valise. Voilà, c'est ça. Alors justement, ton livre, c'est à la fois un documentaire, que moi je trouve très bien fait, un témoignage, qui a été salvateur aussi pour toi, quelque part. Et puis, c'est aussi un guide de survie. Alors, pour les personnes atteintes de cette différence, mais aussi un guide de survie pour les personnes qui entourent. Parce que tu fais... alors, moi, j'aime beaucoup cette partie de ton livre. Par exemple, tu donnes une situation et tu expliques, pour les neurotypiques, c'est ça. Pour les neuroatypiques, c'est ça. Comment faire ? Voilà. Alors... Et ça, c'est hyper concret. C'est un vrai mode d'emploi. Et merci rien que pour ça, quoi. Parce que nous... Moi, je travaille dans une bibliothèque, par exemple, et je reçois des enfants victimes d'autisme avec les parents. Et quelquefois, les enseignants disent « non, mais lui, il faut le laisser parce qu'il est autiste oui. ». Alors, moi, déjà, ça me choque parce que j'ai pas à avoir ce jugement sur un enfant de 4 ans, 5 ans. Et puis, quand bien même, il veut pas assister à une heure du compte, il veut pas jouer avec un jouet, mais moi, je veux juste, parce que je suis certaine qu'au fond de lui, il profite de ce moment avec son ressenti à lui. Et les gens sont même... C'est terrible à dire. Les gens sont même gênés. Oui. Les parents sont gênés du comportement de l'enfant qui n'est pas normé. Et nous, les premiers, en fait, on nous le dit et même encore maintenant, où en fait, on est toujours dans cette un peu envie de désautiser les autistes, c'est-à-dire de dire que on n'a pas le bon comportement, donc on va essayer de t'apprendre à modifier ton comportement pour que tu puisses passer en société et que tu ne gênes pas les autres. Mais vraiment concrètement, un nouveau dispositif qui est le dispositif DART, donc dispositif d'autorégulation, qui commence à être mis en place en France, un peu dans les collèges, dans les écoles. Noir sur blanc, c'est marqué dessus que en fait, le comportement des autistes peut déranger les autres. C'est noir sur blanc. Et on va apprendre aux autistes à ne plus déranger. Par contre, on ne va pas apprendre aux autres à s'adapter. On ne va pas apprendre aux autres à s'adapter. Alors, il y a aussi... Voilà, je ne veux pas non plus te faire tout noir. Oui, le dispositif a quand même beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de points positifs. Okay. Mais on en revient toujours à un moment où, en fait, on demande à la personne autiste de s'améliorer, de changer, de faire des efforts. Et c'est, moi, ce qu'on m'a demandé toute ma vie, même sans le savoir. Et en fait, quand on est déjà à fond, justement, quand on fait déjà tout ce qu'on peut, justement, pour s'adapter, suradapter... C'est pas l'autiste qui fait exprès. Voilà, c'est ça. Et en fait, à un moment, on nous demande encore d'en faire encore plus. Ouais, c'est pas possible. Et en fait, on n'y arrive pas. Et en fait, moi, à l'époque, je pensais vraiment que ce que j'étais, en fait, tout le monde le ressentait comme moi. Et c'est juste moi qui n'arrivais pas à faire comme les autres. Donc c'est pour ça que j'en ai ressenti le fait d'être mal fait, d'être cassé, d'être pas assez fort en fait. C'est ce que t'expliques, d'être à côté de la voilà. Et finalement, maintenant à savoir maintenant ce qui s'est passé et comment, en fait, je me dis, mais en fait, j'étais même presque plus fort du coup. Et c'est dingue. Et en même temps, t'expliques que ça te procurait une fatigue mentale et physique forcément énorme. Quand on se bat avec, il y a un petit dessin animé qui est sympathique, qui s'appelle Anatole et sa petite casserole. Ouais. En fait, Anatole, du coup, bah, il a une petite casserole accrochée à sa ceinture avec une petite cordelette. Ouais. Et en fait, bah, de traîner sa casserole, bah, c'est compliqué parce qu'elle se met dans des trous, elle fait du bruit, elle s'arrête, elle l'empêche d'avancer. Et du coup, c'est beaucoup plus fatigant forcément d'avancer avec quelque chose, un poids, que d'avancer sans ça. Et une fois qu'on a compris en fait que cette casserole, c'est quand on sait comment s'en servir et qu'on sait pourquoi elle est là, elle peut nous servir justement, mais il faut apprendre à l'utiliser. Et je le dis souvent là dans mes conférences, en fait j'ai passé 35 ans de ma vie à croire que j'étais une tondeuse à gazon, alors qu'en fait j'étais une tronçonneuse. Et du coup quand on essaye de tondre le gazon avec une tronçonneuse, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie, ça prend... Quand on essaye de couper un arbre avec une tondeuse, ça voilà. Fait pas... Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est ça le truc. Et c'est pour ça, en fait, qu'on use beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, on est... Et puis le camouflage, et puis jouer des rôles et tout. Et en fait, ces exemples que je donne, je les donne, alors c'est pas une liste exhaustive, je le dis dans mon livre, et c'est pas non plus un guide de se dire, tiens, dès qu'il y a un autiste... Ouais, mais c'est des petits tips, tu sais, comme là, ça... C'est une porte. J'ai voulu vraiment ouvrir une porte vers la pensée autistique et dire aux gens, essayer de se dire surtout, et c'est surtout ça le truc, c'est qu'on a souvent cet adage qui dit ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Exact. Cette phrase, il faut l'oublier complètement, puisqu'elle part d'un bon sentiment, mais il y a un petit hic dans cette phrase, c'est que l'autre n'est pas nous. Exact. Et en fait, et c'est ce problème, c'est que même des fois, quand on veut aider quelqu'un, autisme ou non, vachement, quand on veut aider quelqu'un, des fois on fait mal. On va se poser cette question, on va se dire. Qu'est-ce que moi, ça me fait ? Qu'est-ce que je ferais ? Bah oui, mais je le dis souvent, moi, je suis quelqu'un de très tactile, j'adore les câlins, j'adore, voilà, du coup, je communique beaucoup plus, d'ailleurs, par ce moyen que par un autre moyen. Ouais. Donc, je vais me dire, si je suis cet adage, hein, du coup, ne fais pas autrui ce que tu n'aurais pas qu'on me fasse. Moi, j'adorerais qu'on me fasse un câlin. Donc, je vais aller voir une personne et je vais lui faire un câlin. Bah, je ne lui fais pas ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Mais la personne d'en face, elle n'aime peut-être elle pas les câlins. Elle pourrait être gênée. Donc, en fait, l'adage, ce serait plutôt ne fais pas autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Exact. Et je pense que c'est mon message aussi, je veux donner ici. C'est en fait, et c'est ce qui est compliqué, en fait, de se dire qu'on a une personne en face de soi qui ne fonctionne pas du tout comme on fonctionne nous-mêmes. C'est vraiment se retrouver. Je crois que c'est Laura Lone, il me semble, hein, qui est autiste également. Je crois que c'est elle qui disait qu'être autiste, en fait, c'est se retrouver dans un pays où on ne connaît ni la langue, ni la culture, ni les mœurs. Et on se débrouille. Et c'est vraiment ça. Et en fait, le fait de donner cette petite liste, il y a déjà des parents en fait qui m'ont donné des retours dessous. Ils m'ont c'est dit. C'est la question que j'allais te poser. En fait, ils m'ont dit. Mais alors, il y a des parents un peu plus âgés qui me disent si j'avais eu ce livre il y a 20 ans, ça se serait passé mais tellement mieux, tellement différemment. Et des parents qui ont des enfants là en bas âge et qui me disent mais en fait, je pensais tout bien faire avec mon enfant. En fait, finalement, après votre lecture, je me dis que non. Et depuis que j'applique un peu ça se passe tellement mieux. Et peut-être que ton livre aurait aussi de bonnes places dans les écoles. Complètement, complètement. Et c'est un peu mon projet. Alors, parce qu'en fait, ce livre, c'est un point de départ. En fait, alors déjà pour moi. C'est ton premier, hein, on est d'accord. C'est mon premier. Okay. J'en ai encore d'autres là qui sont sur le feu, mais bon. Plus, j'écris un roman aussi. On verra après, du coup. Voilà, oui. Mais du coup, voilà, c'est le premier qui est sorti. Et en fait, ça, c'est vraiment un point de départ. Et c'est un livre, en fait, que j'utilise dans mes conférences. Voilà, pour appuyer, en fait, ces conférences. Mais mon but, en fait, c'est vraiment de partager la pensée autistique. Okay. D'aller dire, mais en fait, on a plein de choses à apporter au monde. Laissez-nous le faire et venez. C'est pas parce que je suis autiste que je ne sais pas faire ou que c'est je ça. Ne sais et faire. Ça aussi, alors ça c'est un truc que j'ai eu justement pendant longtemps. J'ai eu cette impression qu'on me refusait de mettre ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire me dire non, toi t'as pas le droit. Ouais, parce que tu rentres pas dans la case. Tu sais pas, t'arrives pas. Ben voilà. Moi j'ai envie de mettre parce qu'en fait cette société aussi mal faite qu'elle soit, c'est la mienne aussi. Et, oui. et j'ai ce droit d'amener ma participation en fait à ce monde et c'est mon but en fait avec ce livre, avec ces conférences. C'est bien réussi, c'est une première pierre ma foi fort bien réussie. Alors Elvis, on va faire une première coupure musicale. Alors tu as de multiples facettes parce que tu as un groupe. Oui, aussi. Voilà. Qui s'appelle Long Old Friends. Ça, il existe depuis quand ce groupe ? Alors on l'a commencé en 2019. Ça fait long. Ça fait long. On est d'accord. Et on se connaît depuis bien plus que ça. Mais le groupe en lui-même est né 2019. Oui. Ok. Et là, donc, tu vas nous faire découvrir un morceau de ce groupe. Vous êtes combien ? Alors, on est deux. Pour la petite histoire, on a eu des musiciens qui nous ont accompagnés, des très très bons musiciens. Ouais. Mais on s'est rendu compte finalement que il y a une alchimie qui se passe quand on est tous les deux. On se connaît tellement bien, on est tellement complémentaires. Donc vous avez continué. On a continué tous les deux. On a pris la décision là de rester justement à deux. Et donc cet album a été enregistré. Donc c'est le premier album qui est enregistré en live. Donc le morceau que vous allez entendre, c'est des morceaux live. Et du coup, là, on avait le groupe, c'est-à-dire on avait un batteur et un bassiste avec nous. Donc moi, je suis au chant et mon guitariste, du coup, donc qui a la guitare. Et maintenant, on a cette formation. Donc le guitariste est toujours à la guitare, lui il ne change pas. Et moi, en fait, je me suis mis à la batterie et je fais batterie, chant, lead, du coup, dans ce. Et voilà, on a un petit truc qui tourne. Donc là, voilà, c'est vraiment la formation avant avec tous les musiciens. Et ce morceau, donc le marginal, oui, c'est ça. Donc le marginal, c'est notre seul morceau en français. Puisqu'il a été écrit, je l'ai écrit avant de savoir manier la langue anglaise, du coup, qui maintenant j'ai beaucoup plus de facilité du coup à faire passer en anglais. Et donc ce morceau, je l'ai écrit il y a très longtemps, avant de savoir que j'étais autiste. Et à la réécoute, je me dis en fait que j'ai écrit ce morceau sur l'autisme, sur quelqu'un qui était en décalage, un marginal justement. Je vous laisse le découvrir. Ça marche. Et gardez en tête cette son idée, historique. Son historique, voilà. Ça marche. Et on se retrouve juste après. Je suis ce qu'on appelle un marginal. Asocial et un peu sale, rempli de rêves et de chimères, comprenant pas totalement mes peines. Mais avez-vous vraiment le droit de me juger comme un paria? Je ne crois pas. Je suis un loup, je suis une bête, assoiffé de liberté, ivre de vie, vivant quelque part sur sa planète, là où si bien je suis. Je ne crois pas. mais je ne m'y reconnais pas. Peuplé de vices et de pouvoirs, n'est-ce pas le leur à bien te regard. Et un, deux, trois, quatre. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en présence d'Elvis Pastafiglia pour son premier roman docu conseil. Autiste et fier, mon témoignage pour mieux comprendre. Alors dans la première partie d'émission, Elvis, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours et comment tu arrives à te découvrir maintenant, depuis que tu es diagnostiqué. Alors aujourd'hui, quel message tu as envie de faire passer ? Tout à l'heure, tu as un peu évoqué que tu organisais ou tu animais des conférences. Oui. Le message, c'est quoi ? Déjà, c'est message... quoi tes conférences ? Et puis, elles s'adressent à qui ? Et au fond, c'est quoi ton Alors, message ? Mes conférences s'adressent à tout le monde. Ok. Déjà, puisque c'est un sujet, en fait, qui est de société et qui est là pour tout le monde. Ouais. Forcément, les personnes qui sont touchées elles-mêmes par l'autisme ou qui ont des proches autistes vont être plus intéressées puisqu'elles seront dedans. Mais le message s'adresse à tout le monde. D'accord. Puisque le but des choses, en fait, c'était le but de mon livre aussi, c'est d'ouvrir une porte vers la pensée autistique. De dire que quelque part, il y a des personnes qui pensent pas du tout comme vous, qui ne sont pas conçues comme vous, mais qui ont une pensée tout à fait valide. Même si elle ne correspond pas là au cheminement de pensée classique. D'accord. Et que c'est pas parce qu'on ne rentre pas dans les cases d'une norme établie qu'on n'est pas bien et, ouais. Et qu'on n'a pas le droit de vivre. Exact. Et mon message, c'est justement ça, c'est ouvrir la porte pour qu'en fait, il y ait une cohésion et que tout le monde, autiste ou non autiste, ouais, puisse coexister et chacun apporter quelque chose ce qu'il peut. Et c'est surtout aider les personnes autistes aussi à leur dire un message, et c'est ce que je dis dans la fin de mon livre, c'est soyez vous-même. Oui. Soyez vous et ne n'attendez pas la validation des autres. Et d'ailleurs, tu expliques dans ton livre qu'il y a des petites choses à mettre en place pour des personnes neuroatypiques ou des enfants, parce que je pense que tu parles essentiellement du milieu scolaire dans cette partie-là, mais ou même pour des enfants neurotypiques qui peuvent tout à fait s'appliquer. Voilà, par exemple, sur des temps de pause, comment les mettre en place, combien de temps, tout ça, parce que c'est vrai que souvent, les enfants dans le milieu scolaire, même depuis tout petit, on les oblige à rester assis, à se taire, à faire la sieste à telle heure, etc. Alors oui, évidemment, il faut quand même une ligne directrice pour, on va dire, pour rythmer une journée d'un enfant, quel que soit son âge, mais 8 heures par jour, ça fait quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et puis là, alors bon, il faudrait faire une refonte de toute l'éducation nationale. Hein, oui. C'est un autre débat, un autre sujet. C'est intéressant quand tu dis, en fait, ce qui est applicable à un neuroatypique peut l'être aussi à un neurotypique, juste pour lui faciliter la vie ou... comment dire, ou en fait quelque pour chose que ce soit en adéquation en fait, voilà. Avec et il y a des choses par exemple j'utilise un exemple, un moment où je dis que mon fils récitait sa poésie à la maison, ouais, et il tournait pour lui-même, et à un moment j'ai eu ce premier réflexe de dire mais arrête de tourner, puisque moi dans ce que je pensais, je dis si tu tournes tu peux pas te concentrer pour réciter ta poésie. Et à un moment, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le contraire ? Est-ce que le fait de tourner ne l'aide pas justement à se concentrer ? Et si je lui demande de s'arrêter, eh bien justement, il va devoir monopoliser une partie de son cerveau pour arrêter de tourner, et donc il n'aura plus cette partie pour réciter sa poésie. Et il va lâcher la poésie. Et à un moment, je me suis posé cette question, et que je me pose vraiment maintenant sur tout, est-ce que c'est vraiment grave ? Non. C'est-à-dire, est-ce que c'est grave si mon fils tourne là ? Est-ce que c'est grave s'il est debout en classe ? Par exemple, mon fils s'est fait reprendre à un moment parce qu'il se sentait mal assis. Il voulait écrire debout, il s'est mis debout pour écrire. Il gênait personne et il s'est fait reprendre et même punir parce qu'il était debout. Et à un moment, j'ai assuré, est-ce que c'est grave s'il est debout ? Voilà, c'est vraiment cette... Tu évoques des sujets... Ah oui, non, mais complètement. Qui touche 100% d'une population qui... Complètement. Et puis à un moment, en fait, je suis arrivé à un moment où j'en ai marre de dire oui, merci. Ah bah. Maintenant, je passe pour un chiant. Vraiment, j'ai ce truc. Je suis même, dans certains endroits, persona non grata, puisque j'appuie là où ça fait mal. Mais par contre, et c'est ce que je dis dans mon livre, en fait, quand je donne ces méthodes en disant ne faites pas ça, faites ça, je l'explique au début du livre. Mon but, c'est pas de montrer du doigt. C'est pas de dire, vous faites mal, machin. Je veux dire, vous le faites pas bien, mais voilà une solution. Voilà comment vous pourriez mieux le faire. Tu ne prétends pas être meilleur que. Pas du tout, pas du tout. C'est pas le but. Voilà, c'est pas le but. Je veux pas dire je suis meilleur que tout le monde, je suis le plus beau, je suis plus. Non. J'ai une connaissance, puisque je suis autiste moi-même, donc je suis la personne la mieux placée. Voilà, et surtout, rien sur nous sans nous. Ça, c'est aussi quelque chose, et que beaucoup de personnes autistes revendiquent maintenant. Tu l'expliques en fait aussi, ce papa qui était venu avec son fils, je ne sais plus dans quelles conditions, et le fils était à côté, le papa ne regardait pas son fils, et il parlait de lui avec l'interlocuteur en face en disant « il ». Ouais. Comme s'il était complètement absent ou qu'on parlait d'un objet. C'est ça. Et à un moment, fait cette réflexion, regardez, le fils, il est dos à nous. Et c'est vrai machin. Qu'effectivement, n'importe qui soit neuroatypique ou neurotypique, si moi on parle de moi comme si j'étais absente et qu'on disait elle, ça va m'interpeller et je vais dire, mais au fait, je suis là, je suis pas une plante verte. Alors, quand on vous fait ça là maintenant, mais si on vous fait ça de votre naissance pendant 40 ans, à aucun moment on vient vous dire. On vient vous dire, en fait, on a des personnes non autistes qui vont nous dire qu'ils savent mieux que nous comment on fonctionne et comment on doit se comporter. Bienvenue, et ça, il faut vraiment arrêter. Bienvenue dans le monde normé. Voilà, c'est ça. Alors, justement, Elvis, avant de passer à la dernière question, vos conférences, elles se déroulent où ? Est-ce que vous vous déplacez ? C'est un endroit fixe ? Alors, les conférences se déroulent n'importe où. On peut parler à des personnes. D'accord. Donc, je veux dire, c'est... Donc, on vous sollicite, ça se passe comment ? On me sollicite, oui. D'accord. Alors, à savoir que, donc, si vous êtes intéressé par une conférence, je peux venir, alors, dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les librairies, j'en ai fait plusieurs dans les librairies. On peut parler à des gens, il y a du public intéressé sur D'accord. le sujet. Ces conférences, c'est un souhait, je ne les fais pas payer. Ok. C'est-à-dire, c'est un souhait parce que je ne veux pas en fait que l'argent soit un frein. Que quelqu'un se dise j'aurais vraiment besoin de ce témoignage mais j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, je ne veux pas. T'as vraiment envie de faire un témoignage de ce qu'on appelle pur quoi. Ah oui, non, puis c'est j'ai envie que ça avance et j'ai pas envie de mettre le moins de freins possible en fait pour déjà que ça on avance. Sait qu'il y aura pas de freins financiers. Il y aura pas de freins financiers. Alors malheureusement, je suis obligé quand même de facturer des frais de déplacement. Oui. Voilà, c'est pour justement que moi je ne suis pas soit pas en débit. Ah oui. Mais outre ces frais de déplacement, je ne facture pas et je demande par contre de pouvoir vendre mon livre puisque c'est mon activité principale. Oui. Hein, du coup, c'est que par là que je me rémunère. D'accord. Donc voilà, je préfère fonctionner comme ça. C'est juste. Voilà, parce que c'est le message qui est plus important. Et qui correspond à ta démarche et là, maintenant, et dans le livre, en fait. Voilà, j'essaye d'être égal à moi-même. Et d'ailleurs, un petit truc aussi, donc ça, c'est la première édition du livre, donc que j'ai écrit moi-même, que j'ai corrigé moi-même. Voilà, j'ai tout fait vraiment tout seul de A à Z. Je suis auto-édité, je me déplace moi-même. Voilà, vraiment, je suis vraiment tout seul. J'ai été supporté par une communauté donc, qui me suit sur les réseaux et qui a financé ce livre, son impression. Oui, j'ai vu. Parce que j'ai lancé un financement participatif qui a été quand juste, on tape ton nom on trouve phénoménal Google. Mais bon, mis à part, et c'est important quand même de les préciser parce que quand je dis je l'ai fait tout seul, j'ai eu du support quand même de beaucoup de gens sans qui la création c'est moi qui l'ai créé et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça m'arrive souvent. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut y arriver, on peut le faire, on peut avancer. Et était aux conférences. On était aux conférences, oui. Et mon but, c'est d'apporter la parole, de le dire, et d'être... Voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est en fait d'être concret dans ce que je dis. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est sans filtre, à qui on a reproché justement d'être sans filtre. Je n'ai plus envie de mettre de filtre. C'est-à-dire que je dis ce que je pense ce que je dis. C'est ça ce qui est très important. Je vais être égal à moi-même. Et ce livre, donc, il y a quelques fautes. Je ne sais pas si tu l'as peut-être remarqué à un moment. Il y a quelques petites coquilles, il y a quelques petites fautes. Et il y a une personne très gentille qui m'a demandé, m'a dit, si tu veux, je te fais une petite correction, machin. Je dis, super. J'ai reçu ces corrections. Alors, en effet, elle m'a fait remarquer des petites coquilles et tout. Et du coup, au départ, je me suis dit, pour la deuxième édition, je vais les corriger. Ouais. Et puis finalement, je me suis dit non. Ah non, ça fait partie de toi. Je me suis dit, encore une fois, est-ce que c'est grave ? Est-ce que le message, là, si je corrigeais ce livre, encore une fois, ce n'est pas des grosses fautes, on est sur des petites coquilles, mais je ne n'irais pas à l'encontre du message, justement, que je veux passer, en disant, mais en fait, ce n'est pas grave si j'ai fait une petite faute, là. Le message, lui, est là. Le livre est compréhensible. Les petites erreurs, c'est soit un accord, soit un temps employé qui n'est peut-être pas le bon temps. C'est ça, oui, voilà, ouais. Sur les doigts d'une main, c'est ça. Non plus, Et je me suis dit, justement, est-ce que, par contre, si je le corrigeais, est-ce que j'irais pas à l'encontre de ce que je dis dans mon livre, et de dire d'être soi-même, et du coup je ne le corrigerai pas. Alors ça m'amène à ma dernière question. As-tu un nouveau livre en cours ? Oui. Ah, j'en ai même plusieurs. Ah, voilà. Alors j'en ai un qui est totalement. Alors je disais totalement différent de l'autisme, oui et non, puisque c'est quand même un autiste qui écrit, et en fait c'est un livre de science-fiction. D'accord. Qui s'appelle L'ombre de l'aube. Ok. Qui et va alors, je sais pas, puisqu'en fait là il est écrit. On a un titre, il est écrit. Voilà, il et est me écrit, dit je sais pas quand il sort. Voilà, je suis en relecture. Voilà, j'ai okay. Trois petits trucs à changer, trois petites incohérences. Voilà, puis là on est plus sur de la fiction. Très littéraire ou non? Alors c'est en gros le pitch très vite fait. C'est une histoire de science-fiction très commune en fait, puisque c'est une Terre à l'agonie et un vaisseau colon qui est envoyé dans l'espace. Okay. Voilà, mais en fait, il va se passer un truc très tôt qui va. Je dis rien. Voilà, non, mais qui va complètement. Voilà, qui va complètement. Rien. Non, mais qui va. Voilà, ça va pas être juste une colonisation quelque part. Il y a un truc qui va se passer et qui va complètement avoir rien à voir justement avec cette colonisation et qui remet. Voilà, il y a beaucoup une structure philosophique, pardon, sur l'homme, la place de l'humanité. Un petit peu d'introspection aussi. Ouais, complètement, oui, complètement. Okay. Et ça, donc c'est voilà. Le premier projet. Ça c'est le premier projet. Voilà, et le second projet, c'est un livre à portée un peu plus philosophique. Okay. Donc lui pour l'instant il a pas de titre, il est vraiment beaucoup moins avancé que L'ombre de l'aube du coup, et qui lui va être plus voilà des idées sur ce que j'ai sur la vie, des façons de voir les choses. Une espèce de recueil de pensées. Voilà, de recueil de pensées, voilà ce que voilà en quelque sorte j'ai envie de partager avec des gens qui voilà j'ai une façon de voir les choses et je le vois souvent dans mes conférences, il y a beaucoup de personnes qui me font ce retour. En fait, et je le vois des gens qui arrivent des fois dans mes conférences très fermés. Dans le visage, on voit qu'ils souffrent, ils sont en souffrance, comme beaucoup de personnes autistes. Et en fait, je vois vraiment, plus je parle dans mes conférences, plus je les vois s'ouvrir, et je vois leur visage s'illuminer, elles viennent me remercier en me disant mais tu m'as donné de l'espoir, tu m'as donné... Et je le vois, je le vois vraiment. C'est un peu le porte-parole, tu crois ? Alors, j'ai devenu un peu porte-voix. Alors en fait, j'ai pas envie de... J'ai envie de l'être, je veux dire, mais... Porte-voix dans le sens... Attends, j'ai peut-être pas employé le bon mot, où tu dédramatises un peu ça, même oui, pour nous, les neurotypiques. C'est ça. Mais alors, je veux pas, par contre, parler pour tout le monde. Ce oui, que je le dis, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Il y a autant d'autistes que d'autisme. Enfin, vraiment, c'est voilà, je veux pas dire on est tous comme ça. Non. Voilà. Après, si je peux par mes paroles faire avancer les choses et aider les autistes à avancer, à leur faire une place dans la société, oui, bien sûr. Okay. Mais je veux pas voilà être le porte-parole qui amène la. Oui. Enfin, je suis pas un gourou, je suis oui, pas. Oui, je comprends. Je suis pas omniscient ni rien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà, je ne veux pas me prétendre plus que je ne suis. Voilà, j'essaie juste de faire avancer les choses. Beau le programme. Petit colibri. J'aime bien cette petite fable. C'est le petit colibri qui apporte la petite goutte d'eau sur l'énorme incendie. On lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas jamais éteindre l'incendie? Je dis ouais, mais j'amène ma petite goutte d'eau. Voilà. Peut-être ça peut motiver d'autres. Chacun colibris, sa pierre à l'édifice que tu disais tout à l'heure. On rejoint ça. Alors, on va faire une dernière coupure musicale avant que tu nous parles de ton caprice de lecture. Oui. Donc, coupure musicale toujours issue de ton groupe Long Old Friends. Et là, c'est Time Flies. Time Flies, oui. Donc, c'est un morceau en anglais. Oui. Time Flies, le temps s'envole, le temps avance. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est devant son feu de cheminée. Ouais. Un homme très marqué par la vie, très âgé, qui est seul chez lui et qui fait un peu le point sur sa vie, où il en est, et il s'adresse à son fils, voilà, il s'adresse à son fils en lui disant « j'aimerais revenir dans le temps pour te serrer dans mes bras, pour refaire des choses que... » voilà, un peu nostalgique. Un peu nostalgique, voilà, et vraiment en regrettant un événement, on le sent, voilà, qu'il y a quelque chose, un événement qu'il regrette, et puis plus on avance, plus on comprend en fait que cet homme a perdu son fils, jeune, enfin on ne sait pas trop comment, mais il a perdu son fils, et du coup, en fait, il est détruit, et en fait, il avance, il va monter sur la plus haute montagne qu'il peut, et il va, il va s'envoler pour retrouver son fils, et en fait, c'est là où on revoit, en fait, time flies, et en fait, il arrive en haut de la montagne, et il dit, I will fly, donc je vais m'envoler, like time, voilà, je vais m'envoler comme le temps. Ouais, on se retrouve juste après. still in a fireplace. All these years have passed by. Take a look at my face. See all the scars inside. Well, I don't survive. What will I leave behind? So far from memory, time flies. I really want to be a superhero. One of those who fly this high in the sky, reach the stars and be able to catch you. I could bring you back here into my time. I really wish I'd be some kind of Doctor Who. Jump be my ship and simply go back in time. Just for a while, just to share it with you. Just for a moment to hold you in my heart. And Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence d'Elvis Pastafiglia, pour son premier roman auto-édité, Autiste et fier, mon témoignage pour mieux comprendre. Alors Elvis, comme le veut la tradition dans Caprice de lecture, je vais te demander de nous présenter ton caprice de lecture. La parole est à toi. Alors, mon caprice de lecture, eh bien, en fait, il a été assez difficile à choisir. En fait, comme j'expliquais en off, je ne lis pas depuis très longtemps. Parce qu'avec un trouble de l'attention, c'est très, très compliqué de moi pour lire. Et c'est seulement depuis, voilà, quelques années où j'ai du coup commencé vraiment à lire. Une belle victoire aussi. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Très, très et du coup, je lis un peu les classiques là maintenant, mais il y a un livre qui a retenu particulièrement mon attention. C'est un livre de Sadhguru, qui est un yogi hindou, en fait, qui est en France, hein, qui écrit. En France, non, je dis n'importe quoi, je confonds. Non, il est aux États-Unis, du coup. Il a failli travailler beaucoup. Il fait des vidéos sur Internet aussi, pas mal dessus. Et donc, il a écrit plusieurs livres, et dont un qui s'appelle Karma. D'accord. Alors déjà, qui remet un peu ce qu'est le vrai karma, puisque en fait, l'image du karma, on a beaucoup été déformée. Encore un mot valise. Voilà, c'est ça, où on pense que le karma, en fait, c'est si tu fais du mal, tu vas avoir du mal. C'est un peu le destin. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est autre chose. Donc, il explique. Et en fait, il vulgarise aussi pas mal, en fait, avec beaucoup d'humour aussi, les choses. Et un principe que, par exemple, qui a beaucoup aidé dans la vie, c'est qu'en fait, à un moment, il prend l'exemple, il dit en fait qu'on laisse à des parfaits inconnus l'opportunité en fait de nous faire du mal. Il prend l'exemple donc très concret de quelqu'un qui nous fait une queue de poisson en voiture. Oui. On s'énerve. Ah, lui crie dessus et tout, machin. Bon. Et ben il disait que dans cette situation, c'est vraiment une situation où on laisse un complet inconnu nous faire du mal, puisque quand on s'énerve, quand on se fait du mal à soi. Premier. Oui. Et alors que lui, il est parti, lui, on n'en a rien à faire. Dire, lui, il serait complètement. Garde son énergie. Et nous, on use de l'énergie pour quelqu'un qui. Ça arrive au moins 8 fois par jour sur la route. Et donc, c'est vrai qu'en fait, ça m'est arrivé à un moment à me dire, mais en fait, mais oui. Et ça rejoint un peu l'autisme aussi, parce qu'on est aussi toujours dans cette validation des autres, de tout ça. Et en fait, à un moment, de se dire, mais non, en fait, j'arrête comme un principe, comme le pardon, par exemple. Ouais. Où en fait, le pardon, on pense que c'est pour l'autre, mais non, le pardon, c'est pour soi. Déjà. On dit qu'il y a des trucs qui sont impardonnables. Alors, c'est en fait, parce qu'on pense que de pardonner à quelqu'un, c'est lui dire, en fait, je t'excuse de ce que t'as fait. Non, c'est pas dire ça, c'est lui dire tu ne me feras plus de mal, c'est-à-dire tu m'as fait du mal. Il y a des choses qui sont inexcusables, des choses horribles qu'on ne peut pas excuser. Le pardon, ça veut dire je ne te permettrai plus jamais de me faire du mal. C'est-à-dire que tu m'as fait du mal et là tu me fais encore du mal à distance en fait. Ouais. Et ben maintenant je dis stop, je te pardonne, donc tu ne me feras plus de mal, tu ne me toucheras plus, je ne te laisserai plus agir sur ma vie. Ça demande de l'entraînement, hein, ça. Ça demande de l'entraînement, mais finalement, en fait, une fois qu'on y est arrivé, c'est-à-dire c'est quelque chose que je peux me dire, j'ai réussi vraiment à ça, et ben en fait, on se dit que c'était difficile, mais quand on l'a fait, on se dit que mais c'est tellement difficile que c'en est simple, c'est tellement simple que c'en est difficile. Encore un beau chemin parcouru. Mais oui, moi, c'est ce qui a changé ma vie. C'est vraiment de tout remettre et comme des petits trucs qui nous disent j'ai arrêté de dire je n'ai pas eu le temps. Vous voyez cette petite phrase qui dit je n'ai pas eu le temps. En fait, je me suis mis à dire je n'ai pas pris le temps. Exact. Et en fait, ça revient au même plus ou moins, mais en fait, ça nous remet. Le sens est complètement différent. Ça nous remet surtout au contrôle de notre vie. Et en fait, de se dire, alors, j'ai pas pris le temps, j'ai fait le choix. Et je ne laisse plus quelqu'un ou quelque chose dont je n'ai pas le contrôle contrôler ma vie. En fait, c'est vraiment ça toute une philosophie. Toute une philosophie. Et qui rejoint la philosophie, justement, du karma. Exact. Et du fait qu'en fait, le karma, en vulgarisant vraiment beaucoup, c'est de se dire, en fait, c'est nous qui écrivons notre propre karma pour avancer et pour se dire, en fait, c'est ce que je fais, c'est les graines que je plante aujourd'hui qui fleuriront demain. Et si je plante des graines de souffrance, je vais forcément souffrir plus tard, puisque quand elles vont germer, ce sera des graines de souffrance. Donc, plantons des graines de positivité, d'amour et de joie. Un monde meilleur. On en récoltera les belles fleurs. Merci beaucoup Elvis. Merci pour ce très bel échange. Je rappelle le titre de ton livre, Autiste et fier, mon témoignage pour mieux comprendre. C'était vraiment un vrai bonheur de te recevoir et de comprendre aussi plein de choses qu'on ne nous permet pas non plus forcément de comprendre à nous les neurotypiques, parce qu'on doit tous rentrer dans des cases. Oui. Merci, à très bientôt pour un nouveau Caprice de lecture. Au revoir. Au revoir.